Adamolili ezingelinga na elikia katina ngai na yebi pole ezali ye ozali zambe na ngai ye ba yango na motema na kotale na seyo kala na seyo subi oleme akaba ngo mingoto soto yo gana kokana yo mama Tu verras la gloire des dieux. Alléluia. Oh, God. ensemble, bien-aimés. La Bible dit prier sans cesse. Et Nima. Alléluia. Il est écrit dans la parole de Dieu. Et que ce qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Et il est le rémunérateur de tous ceux qui le recherchent. Nima Tenzamba Zalabomo Yazaliawa. Père Zal rémunérateur. Alléluia. Oh!